On revient très très vite, mais on a encore 2-3 trucs à brancher. Direct sur Web Radio Crochet et nous entamons, je crois bien, la 14e heure de direct. Et on est toujours là. Et très peu de gens étaient là au début. Ils sont toujours là, on peut citer moi. On peut citer, oui, c'est vrai, on peut te citer. Comment t'appelles-tu ? King One. King One. King One. Et Pedro MSA sur PlayStation, c'est ça, si vous voulez le défier. Pedro MSA, si vous voulez vous me défier à FIFA 19. Pedro MSA. Imbattable, c'est quoi ton classement un peu Bah là, c'est sur FIFA. Sur FU, j'ai 65 victoires, 30 nuls et 60 défaites. D'accord. Bah, c'est pas non plus. Là, vous l'avez pas honnête, compris, hein. On est passé en mode radio libre. Voilà, c'est la nuit et il peut se passer n'importe quoi. Tout à fait. J'ai une petite dédicace à faire avant qu'on reprenne. Je crois qu'on nous écoute de l'étranger, c'est incroyable. Web Radio Crochet, on a entendu parler ce matin d'un auditeur à Oxford. Et il se trouve que ce soir, on a de sources sûres appris qu'on a un auditeur à Naples. Ouh. On le salue, je crois que cette personne... était très content de nous entendre et qu'elle est aussi assez dégoûtée de ne pas être en France en ce moment, vu tout ce qui se passe. Je t'embrasse. On l'embrasse bien fort, mais alors qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a certaines personnes autour de cette table qui ont peut-être envie d'en parler, notamment... Bamban. Notamment Bamban, ici présent. Oui, quoi qu'il raconte? Oui, excusez-moi, j'étais en train de regarder des vidéos de CRS en train de se faire défoncer, j'ai pas du tout capté. Comme ça, c'est clair. Voilà. Très bien, parfait. Et ben, vas-y, prends une chaise, hein, installe-toi, regarde là-bas, vas-y. Voilà, on va interviewer le. Alors, je laisse à l'Ouest finalement faire son interview radio directement à un jeune citoyen qui s'est joint à une manifestation somme toute pacifique. Racontez-moi votre journée d'hier. vous étiez où pour débuter? Qu'est-ce que vous avez déjeuné du matin? À 7h du matin, j'ai mangé une crêpe. Non. Où vous étiez? J'étais au blocage de Tourville-la-Rivière. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu toute la zone commerciale qui a été un peu malmenée. Pour le troisième week-end de suite. Troisième week-end de suite, donc qu'il y a des blocages organisés par les Gilets jaunes sur la zone commerciale de Tourville-la-Rivière. Et donc voilà, différents ronds-points d'accès. Qui sont bloqués donc avec des barricades, une ambiance somme toute tranquillou, on peut le dire, gentillet. Tranquillou, gilou. Ouais. Gilou, jaunou. Ouais. Oui, mais bon, quand même, hein. Enfin, franchement, bloquer une énorme zone commerciale comme ça, de voilà. Mémoire d'homme. Ça n'est jamais arrivé, donc... Pour la suite, évidemment, Bololo, Bololo. Ah non, mais attends, le suite de la journée, du coup. Après, vous avez fait quoi Non, mais du coup, Bololo sur Tourville. Ah oui, Bololo. Donc, il y a quand même eu des petits gazages légers, on va dire, pour, de la part des forces de l'ordre. C'est parti un peu en course-poursuite, un peu partout dans la zone commerciale. Ça s'est fini par une nasse. Donc je rappelle à mes auditeurs qu'une nasse, c'est un peu un piège policier, voilà. Après, il fallait être mauvais pour tomber dans la nasse, hein. Enfin, franchement. Fallait être très mauvais pour tomber dans la nasse. On connaît des gens qui sont tombés dans la nasse. Il y en a certains. Si vous pouvez les citer. Il y en a certains qui ont cédé à la pression, ouais. Qui sont tombés dedans. Ouais. D'autres, les meilleurs, qui ont réussi à s'en sortir hardiment. Mais quelle a été votre stratégie pour éviter la nasse, alors? Il faut être attentif, hein. Tu les vois, les flics, quand même. Il faut être très attentif au mouvement. Ouais, mouvement. Voilà, il faut être vif. Il faut savoir. Partir à point. Partir à même point. Abandonner tes potes. Hein. Enfin, franchement, il faut se barrer, Non, mais c'est bon, et tu te barres. Donc la qualité d'un bon camarade, c'est savoir abandonner ses potes. C'est ça, exactement ça. Tout le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est vraiment divers. Non, faut savoir les convaincre, bien évidemment, de partir. Après, il n'y avait pas trop de risques, les flics, ils n'ont pas fait de. Non, ils ont rien fait, ils ont même pas contrôlé les gens ni rien, ils les ont laissés repartir, mais ils les ont dégagés de la zone. Et du coup, ta journée après s'est continuée comment? Et ben, bah, d'un coup, je me suis retrouvé à Paris. Voilà. Et alors, comme ça, à Paris. Pourquoi faire? Bah, j'ai des emplettes à faire. Voilà, j'ai voulu aller faire un peu de shopping dans le 16e. Je me suis retrouvé entouré d'une bande de loulous nerveux. Bande de loulous. Des loulous nerveux qui se sont mis à tout saccager méticuleusement, très adroitement, bien outillés. C'était assez incroyable. Est-ce que tu peux nous décrire des scènes que tu as vues, enfin, même ceux qui y étaient, enfin, voilà, juste des bouts, des bribes de scènes, quoi. Ok, première anecdote, une remorque conteneur, donc une espèce de conteneur de chantier mis sur une remorque. Les gens s'en servent comme barricade dans une petite artère pour, somme toute, commettre des exactions sur les forces de l'ordre. Et cette barricade bouffante, non, c'est ça. Du coup, c'était une barricade mobile, sachant que celle-ci était tournée d'une face à l'autre, sachant que c'était un assez gros édifice. Pourtant, il y avait des roues. Hein. Elle était tournée sur chaque face, et du coup, chaque face faisait gagner 3 mètres et s'approcher comme ça, lentement, des forces de l'ordre, seconde par seconde, et permettait à ces loulous les pires. Combien de loulous pour déplacer un engin de cette taille? Oh, une bonne vingtaine de loulous. Une vingtaine de loulous déterminés, donc. Ouais. Voilà. Avec la quarantaine qu'il faut derrière pour lancer toutes sortes d'objets divers et variés. Moi, j'ai vu les gens cherchaient tout ce qu'ils pouvaient trouver comme projectiles. Et trouver des projectiles à Paris, c'est à la fois difficile parce que la ville, elle est tellement aseptisée que c'est dur, quoi. À la fois, l'esprit inventif des gens était incroyable, notamment dans les bars, les cafés qui étaient fermés. Souvent, il y a des terrasses avec des en plastique, des auvents. Des auvents, et il y avait des lampes, et les gens dévissaient les lampes une par une pour utiliser ça comme projectile, ou casser, vous voyez, sur les barrières. Parce que dans cette zone-là, il y a beaucoup d'ambassades, d'hôtels particuliers, je sais pas quoi. Et il y avait notamment beaucoup de grilles avec des pics. Voilà, et casser les pics un par un pour utiliser ça comme projectile. Quoi. Tout était sujet à devenir projectile. Certaines créativités, du beaucoup coup. Beaucoup de créativité. Ouais. Et vous avez vu des tags un peu qui vous ont marqué ou des tags? Oui, bah sur l'Arc de Triomphe, déjà en arrivant, c'est déjà tagué. Donc déjà, c'était Justice pour Adama. Augmentation du RSA. Moi j'avais vu un qui m'a fait tilt tout de suite. C'était un gros straight edge entouré de deux croix celtiques. J'ai fait, il y a de l'inventivité, de l'étonnement. Voilà. En tout cas oui, il y avait beaucoup de groupes d'extrême droite. Ça c'est, on peut pas le nier. D'accord. Hein, parce que j'ai même assisté à une attaque du GUD sur un groupe d'antifa. Comment t'as identifié que c'était le GUD? Bah ils sont arrivés à 100 en ligne. Et ils marchaient au pas, franchement, ouais. Ils faisaient peur. Et là, au début, on ne sait pas trop, ils n'avaient aucun signe distinctif. Bah, du GUD. ils n'avaient aucun signe distinctif, franchement, mais c'est qui ces gars? Mais c'est pas normal. Enfin, vraiment, la manière dont ils se comportaient, le truc en rang et tout, c'était à l'extrême droite, quoi. Et voilà, il y a des gens qui se sont fait un peu frapper, mais dans une confusion générale, je pense que personne ne comprenait autour ce qui se passait, personne ne comprenait qui était qui. Voilà, c'était vraiment un moment où tout était confus, quoi, okay. Sur cette place pendant plusieurs heures. On a aussi pu voir des barricades qui étaient fabriquées avec des troncs d'arbres, mais ces troncs d'arbres n'avaient ni été arrachés ni déplacés, ils avaient été coupés soigneusement à la tronçonneuse. Non mais je crois pas. Si. Il y a d'après les images. Nous, on a vu les troncs qui avaient été découpés. Oui, et selon des images qui circulent sur Internet, il y a des gens qui étaient avec des tronçonneuses pour découper les troncs. Ah, ok, bien joué. Mais alors, ce qu'on lisait, c'était qu'il y aurait des contrôles hyper importants, que ce serait quasiment impossible de ramener du matos sur place, etc., etc. Vous, c'est ce que vous avez ressenti aussi quand vous êtes arrivé ou... Moi, j'ai une dédicace à faire à Castaner. On est arrivé en voiture sur les Champs-Élysées. Donc, voilà. Donc, non, ça n'a pas marché, leur dispositif. Quoi. Ok. Qu'est-ce qui était en place, grosso? Enfin. En fait, j'explique. En fait, je suis pas arrivé sur les Champs-Élysées, mais en fait, le dispositif était autour des Champs-Élysées. Et en fait, personne n'est allé sur les Champs-Élysées. Les gens y sont allés dans la continuation des Champs-Élysées, qui s'appelle l'avenue de la Grande Armée. Et tout autour aussi, de l'autre côté. Et tout autour de la place à Étoiles à l'avenue de la Grande Armée, et dans les rues qui partent de tous les autres côtés. Jusqu'à la rue de Rivoli, qui est complètement de l'autre côté. L'avenue des Champs-Élysées, personne n'est allé. On s'en fout. Ok. Vous avez d'autres envies, d'anecdotes, d'autres détails sur ça, et aussi au-delà de ça, c'est quoi les perspectives maintenant qu'il y a eu le Bololo qui était comment dire, c'était une espèce de scène de chaos qui est décrite avec des incendies, des casseurs qui rejoignent les pompiers, des pillages incroyables. De fou, ouais. Bah la suite, moi je suis pas devant donc je sais pas, mais En tout cas, je pense qu'il faut attendre. Il faut... Le mouvement est tellement incontrôlable et il peut prendre tellement de formes. Si je dois faire une prédiction, je dirais que lundi, Macron il va faire des annonces pour calmer le jeu. Parce que je pense qu'il est rentré d'Argentine alors qu'il était pour le G20. C'est comme si... je sais pas, c'était la réunion de l'année pour lui, quoi, le G20. Quoi. Il rentre dans la nuit pour être ce matin sur les Champs-Élysées. Et c'est la panique dans l'État. Quoi. Enfin, ce qui s'est passé hier, je pense, j'arrive pas à savoir si c'est minimisé ou exagéré dans les médias, mais je crois que c'est plutôt minimisé parce qu'en fait, hier, la police, elle a perdu le contrôle de la situation. Quoi. Même aujourd'hui, on a vu des interviews de flics qui disaient on n'a jamais vécu ça de notre vie, on avait peur de complètement. Perdre le contrôle de la ville, quoi. Enfin, voilà. Donc je sais pas. Je pense que dans la semaine il va y avoir des annonces. Je sais pas s'il y aura un acte 4, peut-être s'il a lieu. Et déjà, contre, en tout cas, annoncé sur Internet, il y a plein de groupes Facebook qui commencent déjà à se remplir de gens qui participent, qui sont intéressés, etc. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué avec ce mouvement-là, c'est que beaucoup de choses sont organisées par Facebook, ce qui fait que on peut s'attendre à des présences policières à des endroits précis. En même temps, s'il y a tellement de monde qui se font déborder, c'est tant mieux, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, sinon vous pouvez proposer une petite chanson de petite transition. Oui, moi j'ai une chanson. Ah, putain, attends. Vas-y. On peut jouer à Shifumi si tu veux. Non, c'est bon, j'ai gagné. Okay, bon, ouais, c'est maladif. Gilet jaune. Oh non, putain, gilet horreur. Jaune. Et c'est qui déjà qui chante l'horreur. Ça l'horreur. C'est Cops machin. Ah oui, Cops machin. Alors attends, faut que je retrouve comment c'est. Ah oui, Cop Johnson, c'est ça. Cop Johnson, Gilet jaune, c'est le genre de chanson qui reste dans la tête. C'est vraiment très très très désagréable. Ouais, c'est parti. C'est... Gilet jaune, gilet jaune. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. J'ai dit Macron, démission. Allez, démission. Macron, démission. Démission. Macron, démission. Macron, démission. Gilet jaune. Gilet jaune. Demain les gilets jaunes, faut danser petit. Gilet jaune, pas gilet jaune. Demain les gilets jaunes, faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre. Y'en a marre, je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Ma gilet jaune, c'est mal les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Ma gilet jaune, c'est mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. À cause de la manif, c'est pas bon. C'est plus Emmanuel Macron. C'est Manuel Décon, c'est Manuel Décon. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. J'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. C'est petit, gilet jaune, ma gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes, faut danser petit. Zombie musique, Kwame, Bryce, Patrick, Cop Johnson, DJ Life Road, LH, Hamza Hachis. On est de retour là? On est de retour tout à fait. On vous entend? On vous entend. Et alors, tandis que les groupes fantômes sont déjà arrivés pour la suite du programme, on a le D-Fool local qui est là avec nous. Tout repose sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais même pas sur quel sujet tu vas rebondir. Non, moi non plus. Aucune idée. C'est ça la grosse surprise. Si vous avez des questions à lui poser. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez m'appeler. Voilà. Eh ben, à la rigueur. Surtout, hein, d'ailleurs, n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet. T'es très très bon en culture musicale, en culture de manière générale plutôt. Oui, oui. Peut-être qu'on peut te poser des questions. On peut te poser des questions de quiz, quoi, finalement. Bah oui, allez-y. À base de vrai ou faux. Oui. Donc tu peux choisir, ta thématique. Histoire. Vas-y. Non, mais c'est quoi les thèmes? Alors, bah justement, je vais te les proposer. Alors, il y a le thème animaux, il y a le thème agriculture, géographie, histoire. Langue française, sciences et technologies. Géographie ou histoire voilà. Géographie ou histoire, d'accord. Alors, je vais donner le choix entre quatre choses. Tu vas pouvoir répondre soit... Il y a un défi là. La première... Il y a un défi. D'accord. Donc, la Première Guerre mondiale, ouais. Les femmes marquantes ou ouais. Les années 80. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ouais. Alors, c'est parti. Je vais lancer. Ça va être 10 questions qui d'accord. vont être posées. Et après, François, il fera 10 questions sur son thème. Exactement. Okay. Et ensuite, ce sera François qui décidera de ton thème et toi, tu décideras du d'accord. thème de François. Ok. Alors, attention, c'est quelle parti. Soirée. Alors, en deux briques. La première question. Vrai ou faux? L'Italie s'est rangée du côté allemand durant la Première Guerre mondiale. Vrai. Faux. En 1914, l'Italie est restée neutre. Puis, après de longues hésitations, elle a déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie en mai 1915. Ça commence très très mal pour King Juan. Bon, je compte sur toi, Angèle, pour marquer les points dans ta tête. Hein. Tout à fait. Tiens, stylo. Vrai ou faux, il n'y a eu aucun acte de guerre sur le territoire américain. Première guerre mondiale. Ah non. Aucun acte de guerre sur le territoire américain pendant la Première Guerre mondiale. Vrai ou faux? Vrai. Tu me dis vrai, c'est faux. Il y a eu des actes de sabotage de la part des Allemands sur le territoire des États-Unis. Le but de ces attaques était d'empêcher la livraison de matériel américain aux Britanniques. Mmh. Attention, vrai ou faux? Au début de la guerre de 1914, le Japon était allié à l'Allemagne. Faux. Tu me dis faux, c'est une bonne réponse. Un point. Vous voulez que je vous lise la petite explication à chaque fois ou pas? Non. Oui. Je suis pas sûr de cette séquence, moi. Pas quand j'ai bon, que quand j'ai pas bon. Que quand t'as pas bon. Ouais. Okay. Vrai ou faux, le Baron Rouge, l'as des as des aviateurs, est mort dans un accident de train. Vrai. Tu nous dis vrai, c'est faux. Attention, vrai ou faux, le génocide bon des Arméniens est survenu durant la Première Guerre mondiale. Génocide arménien. Non. Tu nous dis non? Mauvaise réponse. C'est vrai. De 1915 à 1916. Un point pour 5 questions pour l'instant. Sixième question. La crête de Vimy a été conquise grâce à un réseau de tunnels. Vrai ou faux? Oui, ça c'est vrai. Il nous dit vrai, c'est une bonne réponse. Ouais. Il n'a pas hésité. Je sais pas tout ce que c'est. La question 7. En 1914, Winston Churchill était journaliste de guerre. Vrai, bah oui. Il nous dit vrai. Mauvaise réponse. Lors du déclenchement de la guerre, Churchill était premier lord de l'amirauté. Question 8. Vrai ou faux? La Première Guerre mondiale commença par un attentat ferroviaire à Berlin. Faux. Il nous dit faux. Bonne réponse. Bah oui. Question 9. Vrai ou faux? La Première Guerre mondiale a commencé le 11 novembre 1914. Bah non. Il nous dit faux. C'est une bonne réponse. Attention. Dernière question. Mata Hari a reçu la Légion d'honneur pour service rendu à la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense pas. Il nous dit faux, c'est une bonne réponse. L'espionne Mata Hari, née aux Pays-Bas, a été exécutée en France pour espionnage en 1917. Elle avait été accusée de collaborer avec les services secrets allemands. Tout à fait. Ce qui nous faut donc un résultat de 5 sur 10, je crois. 5 sur 10, c'est la moyenne. C'est un peu ce qu'on dit, bof, quoi, médiocre, un peu nul, mais ça passe. Non. Ce que ça nous dit sur Kipo Quiz, puisqu'on est sur le site Kipo Quiz, votre niveau est étudiant. Le score moyen sur cette thématique, c'est 6,2 sur 10. Ah, on est donc un petit peu en dessous de la moyenne. Un petit peu en dessous de la moyenne. C'est la pression. Ça on va relever la moyenne du fun, parce que la Première Guerre mondiale, on ne sait pas. S'il y a des questionnaires un peu, je sais pas, si moi... Vous pouvez choisir, c'est mon choix. Ouais, animaux, agriculture, pop culture, histoire, Stardust, sciences, sport. Je ne sais pas quoi te proposer de plus. Il n'y a pas de divertissement? Art et culture, je pense que c'est divertissement. Il y a les festivals de Cannes, les Golden Globes. Les écrivains francophones, mais la bière, de la science, mais de la science. La bière, la nourriture, la mythologie gréco-romaine. Il a choisi la science. Ouais, la science, ça ira bien. Ah, ça c'est fun. Hein. Ça c'est super fun. Allez, vas-y. Attends, je suis pas prêt à cliquer là sur les sciences. Alors les sciences, tu as le choix. Attention. Les cinq sens, les arbres ou le corps humain. Ouais, corps humain. Je vais pas faire mes. J'adore le corps humain, moi. C'est parti. Attention. Vrai ou faux? Toutes les cellules du corps humain se régénèrent à chaque 14 ans. Toutes les 14 ans, toutes les cellules du corps humain. J'ai peine à y croire. Ça me semble. Pourquoi c'est quoi ce cycle? Tu trouves que c'est gratuit comme. À ce moment-là, non. Je dirais non. C'est une bonne réponse. Certaines des cellules humaines sont remplacées après 2 ou 3 jours. Certaines, peut-être, oui. Alors je dirais oui. Attends. Donc, du coup, question 2. Vrai ou faux? La mémoire est située dans la partie du cerveau appelée le cervelet. Vrai ou faux?

parce que oui. C'est une bonne réponse. Trois réponses. L'hydrogène, l'oxygène et le carbone constituent environ 99% de ces atomes. On en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Question numéro 4. Vrai ou faux, le corps humain contient assez de fer pour produire un clou de 7,5 cm. Est-ce qu'on peut le lancer sur les flics après? Ça n'est pas précisé pour l'instant. Okay. Je dirais non. Faux. Eh bien, la réponse était vraie. Le corps humain contient assez de fer pour produire un clou de 7,5 cm. Si vous voulez briller... Suite à cette blague, Bambam reprend le mic. Hier, en plein Paris, il a été vu par quelqu'un que je ne nommerai pas, un pétard avec des clous scotchés dessus, lancé sur les keufs. Ça, c'est vraiment vicieux. Ça, c'est vice, là. Question numéro 5. Chaque pouce carré... C'est bizarre comme calcul, les pouces carrés. Chaque pouce carré de peau humaine est couvert d'environ 32 millions de bactéries. Alors, c'est dur de compter, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc je dirais oui. Il nous dit vrai, c'est une bonne réponse. Heureusement, la grande majorité d'entre elles sont inoffensives. Merci, les copines. Une question numéro 6. Les ongles des pieds poussent plus vite que ceux des mains. Vrai ou faux? Je dirais oui. Et pourquoi donc? Je sais pas. Tu te coupes plus souvent les ongles des pieds? Non, t'as raison, je les coupe moins souvent. Ah merde. Je te laisse le temps de réfléchir. C'est faux. Allez, égalité, faux, moi, je dirais. Tu nous dis faux? Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est faux. Avec l'aide du public. Les ongles des pieds poussent de 3 à 4 fois plus lentement que ceux des mains. Question numéro 7. Le soleil, peut-être? Les cônes trouvés dans la rétine de l'œil nous permettent de garder l'équilibre. Est-ce que les cônes... Certainement pas. Bah oui, les cônes dans la rétine de l'œil servent à distinguer les différentes couleurs. C'est une bonne réponse. Ton oreille interne qui maintient. Bah oui, parce que si t'es aveugle, du coup, tu perds l'équilibre. Quoi. C'est absurde. Vous êtes bon. Question 8, vrai ou faux? Un adulte moyen possède moins de 100 glandes sudoripares. Est-ce que vous savez ce que c'est que des glandes sudoripares? C'est des glandes qui te permettent de suer. Ah, moins de 100, pardon. Il y en a qui en ont pas Est-ce mal. Est-ce qu'un adulte salle. Moyen possède moins de 100 glandes sudoripares? Bah, enfin, moi j'en ai plus en tout cas. Je sais pas les gens, mais toi t'en as combien? Moi je dirais 112, 113. Ok, donc, bah, 113, dis... les là. Tu dis faux donc. Je dirais plus alors. C'est une bonne réponse. Un adulte possède plus de 2,6 millions de glandes sudoripares. Et dis, ça en fait de la glande. Je crois que c'est un sans faute pour l'instant. Ça fait non, du... j'ai eu un faux. Je crois. Ça fait du litre de sueur quoi. Non, t'as pas de fou. Attention, question 9, vrai ou faux? En moyenne, une personne perdra plus de 22 kilos de peau pendant sa vie. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 22 kilos. Et le spécialiste est à ma gauche. Bah si, il fait la colec et tout, tu t'as arrêté ta colec? Non, lui, il perd pas tant de peau, c'est il a non, des... Non, c'est les peluches de nourrir, oui, là, non, ça n'a rien je à voir. Désolé. Mais on va en parler. On va en parler juste après. On va en parler juste après, on le garde. Donc vrai ou faux sur les 22 kilos de peau qu'on perd? 22 kilos dans toute ta vie? Moi je dirais oui. Sur une vie de 80 ans, quoi, à peu près. Quoi. Donc tu me dis c'est allez, vrai. Oui. C'est vrai, tout à fait. Un adulte perd entre 0,20 et 0,70 kg de particules de peau par année. Dernière question. L'intestin grêle d'une personne mesure de 3 à 4 fois plus que la personne elle-même. L'intestin grêle mesure dire plus encore, mais... 3 à 4 fois plus que la personne elle-même. J'ai envie de dire faux parce que j'ai envie de penser que c'est encore plus grand. Alors je mets faux et c'était vrai. La longueur d'un intestin grêle est de 5,4 à 7,3 mètres. Environ 3 à 4 fois plus. Une erreur avant. Une personne de taille moyenne. Ce qui nous donne 8 sur 10, votre niveau chercheur. Le score moyen est de 6,2 également sur cette thématique. Je redonne l'antenne. Je redonne l'antenne à Angèle, on voulait parler de Froufou, je crois, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, moi, je fais le magazine du corps humain et aujourd'hui, on reçoit un expert en Froufou. Oui. Alors, tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est que le Froufou. Moi-même, j'ai appris que l'année dernière, je crois, si je n'abuse avec vous. Ah bon? Qu'est-ce que le Froufou? Le Froufou, c'est ce que tu retrouves dans ton nombril. tu retrouves dans ton nombril, tu sais, bah peut-être que vous, si vous êtes une fille ou si vous n'avez pas beaucoup de poils, vous avez peu de chance, parce que justement, c'est scientifique le froufrou. Peut-être que tu peux chercher. Le froufrou est sexiste. Alors, expliquez d'abord ce que c'est le froufrou. Cherche froufrou de nombril, sinon tu vas te tomber sur le froufrou, c'est les peluches de tissu que tu retrouves dans ton nombril chaque jour, chaque semaine, chaque heure, jour après jour. Oui, bah peut-être que j'en ai. En direct, il va nous montrer son froufrou. J'en ai pas, j'ai pris une louche, pardon. J'en ai un, si, j'en ai un. Si, j'en ah, un. Beau froufrou. Ah, ah, vous voyez pas, mais je vous le dis, il est environ de. Non, c'est un petit. De 2 cm d'épaisseur. C'est rien, ça, je mets là. Wow. Gris et de dufteux. Il a arraché un bout de son sweat et il fait croire que c'est son froufrou. Je te jure. Je vous jure. Mais ça, c'est rien, les gars. Ça, c'est un tout petit froufrou. Un tout petit froufrou. Il y a 42 ans, c'est gris. Il venait de prendre une douche. Il venait de prendre une douche. Non, j'ai pris hier soir. Donc, on est sur du petit froufrou. Ça, c'est un tout petit froufrou. Il y a des froufrous. Là, le froufrou, bah, ils sont bons. Donc, il semblerait qu'il y ait des gens qui froufroutent plus que d'autres. Après, du coup, ça me donne envie de parler de typologie de nombril. Parce que est-ce que tout type de nombril peut accueillir son propre froufrou? Justement, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Et en fait, c'est scientifique le froufrou. Peut-être que tu as quelque chose. J'ai tout à fait. Fred. Fred. Pourquoi Fred? Pour Fred et Jamie. Oui, okay. Ouais, bah, tout à fait. Je suis sur un site extrêmement sérieux. Peut-être que vous avez pu visiter dans votre vie, qui s'appelle Topito. et je suis donc sur le top mystère peluche nombril avec plusieurs questions et des réponses apportées par des experts. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Tu sais très bien d'où ça vient. Mais non. Alors, bah premier signe. Est-ce un signe d'hygiène négligé? Non. Alors, la réponse, c'est ça n'est pas de la crasse pure, cette texture cotonneuse a une autre origine. Et oui. Ensuite, pourquoi toutes mais ces... Mais ça peut puer quand même. Non, oui, bah, il pue pas à 100 000. Pourquoi est-ce qu'elles viennent se loger dans le nombril? Alors, on n'en est qu'au stade d'hypothèse, mais Georg Steinhauser explique ce phénomène par le fait que de nombreux ventres développent une pilosité concentrique autour du nombril qui aurait tendance à aspirer, tel un trou noir, le tissu. Non, qui passe dans son secteur. Mais oui. Ensuite, il y a souvent les mêmes couleurs que tu retrouves. Est-ce que c'est vrai que tu retrouves? Oui, c'est vrai, les couleurs foncées. D'accord. Genre bleu foncé, gris. Après, alors, c'est aussi les couleurs que les boucles portent. Un jour, il y a eu un fluo et tout, t'as pété. Non, mais maintenant, c'est les couleurs. Je porte plutôt des couleurs sombres. Du coup, je porte pas du. Alors, une des hypothèses qui est dit, c'est que la peluche prend davantage la couleur des sous-vêtements que des vêtements. Donc, si tu portes sûrement des sous-vêtements plutôt foncés. On connaît donc la couleur des caleçons. Si tu remontes ton caleçon jusqu'au nombril, ouais. Non, mais... Ensuite, pourquoi est-ce que les nombrils d'hommes seraient davantage exposés à l'apparition? Cette inégalité serait effectivement liée à la pilosité. Et oui. Ah là là, c'était qui joue vrai, un rôle crucial dans cet amas. Une étude montre que les gens affichant une bande de poils sur le torse appelée pilosité en trace d'escargot sont aussi des sujets à risque. Alors, j'ai une question pour professeur Kingu. Oui, oui. Kingu Wan. Kingu Wan. La question est est-ce que. C'était dégueulasse. Non, mais. Voilà, je viens à l'instant de perdre ma question dans le fou rire. Je suis incroyablement gêné. Ça avait l'air pourtant sérieux et intéressant. On parlait des froufrous. Ah oui. Dans quel où est-ce que tu stockes ta collection de froufrous? Nulle part, mais figure-toi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a des gens, enfin je connais quelqu'un qui fait du froufrou aussi et qui a comme but, lui il stocke ses froufrous et il a comme but de garder suffisamment de froufrous pour demander à une couturière de lui faire un t-shirt. Je vous jure, c'est vrai. Mais j'ai entendu cette histoire ou pas? Tu m'as déjà raconté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc toi, tu les stockes pas? Non, je les stocke pas, je les donne aux gens. Tu les offres et sur le coup à la personne. Quand j'y pense, je fais, tu veux mon froufrou? Et voilà, c'est un beau cadeau, un froufrou. Tu vois. Ton enfant froufrou? Mon enfant froufrou, bah là pour l'instant, pas de froufrou. Pas de poils. On a dans les autres détails sur Topito, il y a qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces peluches de nombril. Et dans les propositions, ils disent du compost, on peut les collectionner. Et on peut les classer par couleur. Mais par contre, le numéro 10, c'est comment ne plus en avoir. Pourquoi il faudrait plus en avoir des froufrous d'abord? Ce serait fou. Moi, je sais comment on peut en avoir. Il suffit juste de se raser. Bah, faut se raser. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est effectivement se raser régulièrement le ventre. Et l'autre possibilité serait d'avoir un piercing au nombril. Ouais. Ou ne pas avoir de nombril, c'est la dernière proposition. Mais et, bah, et là, c'est un nom, je peux rebondir là-dessus. Et vous n'allez pas à me croire, j'ai déjà raconté cette histoire, il y a longtemps peut-être. J'ai un pote, il n'a pas de nombril. Ça, c'est parfait. Et là, personne ne me croit. Mais non, je vous jure, il n'y a pas de marque. C'est pas juste pas de nom. Il y a aucune marque, il y a rien. Enfin, il a jamais, il a pas de nombril. Pas de cordon ombilical. Ouais, ça, je peux pas expliquer le pourquoi. Il a pas eu d'accident, rien. On lui a pas refait le ventre. On lui a pas non, on lui a pas refait. Juste le truc. L'info. Une théorie, ouais. L'info, c'est. Non, c'est je connais. Kyle XY qui avait pas de nombril. La série, vous vous souvenez? Oui, je me rappelle. Mais c'était un clone. Pote. Je sais pas. C'était un clone. Je sais pas. C'est un alien. C'est un alien. Mais non, non, non. Mais le seul truc, juste que je peux dire sur ce pote là, c'est qu'il avait été adopté. Ah, mais ça n'a rien à voir. Il a fait un déni de nombril il en fait. Il adore la tarte aux fraises aussi. Non, ça n'a rien à voir. Mais son signe astrologique. Mais voilà, non, mais je sais pas. On saura jamais d'où il vient. Et du coup, mystère. Mystère. Encore un mystère de plus sur le foufou. Dropper son prénom juste. Il s'appelle Antoine et il est en plus, je précise, il est brésilien, mais ça n'a pas l'enquête avance. Ça n'a pas de rapport. Alors le standard explose. Ouais. Depuis qu'on parle de froufrou, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'auditeurs. Bah, pour de vrai, oui, je crois qu'il n'y a pas eu autant d'auditeurs. Ouais, c'est vrai. Bah, on est à 42. Ouais, c'est voilà, le... c'est notre pic. Hein. Merci à tous ceux qui kiffent les froufrous. Bon, on a parlé de froufrou. Faudrait mettre une petite musique de transition. Ok, O2N, au baccarat. Boum. O2N. Ça s'écrit comment? Au baccarat. Oui, c'est bon, je l'ai. Ok, je mets O2N au baccarat tout de suite sur Radio Crochet. Pas la femme de ma vie, toi t'es la femme de la tienne.